Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini. Le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini qui a marqué une importante transaction cette semaine. Il y a eu des joueurs qui ont été cédés. Quoi qu'il en soit, le joueur qui semble-t-il le joueur clé, c'est Marc Simard du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini, qui fait partie maintenant du multiconcessionnaire. Pourquoi c'est le joueur clé? Parce que dans les années 80, Marc Simard était un joueur extrêmement populaire avec les Castors de Dolbeau. Ça fait au-dessus de 30 ans de cela. Quoi qu'il en soit, on va lui parler pour savoir un peu quel est le motif de réchausser les patins. Bon après-midi, Marc. Bon après-midi, merci. Marc, d'abord, première question. Pourquoi à 54 ans, recommencer à jouer au hockey? Dans un milieu compétitif, là, je te parle. Oui, c'est une bonne question. écoute, l'an passé, Dave Boulian m'avait approché. J'ai été opéré, j'ai eu une bonne intervention dans une épaule. Ça a pris tout l'été de me refaire l'épaule au complet. Puis cette année, ben on s'est rencontrés encore à plusieurs occasions. J'étais pas trop partant. J'avais comme fermé le dossier à un moment donné. Ma femme voulait rien savoir. Puis finalement, ben ça a fait le dernièrement qu'on s'est rencontrés encore. J'étais en condition, je te dirais, j'étais en bonne condition physique comme je ne l'étais pas quand j'ai joué mon junior. C'est pas une question de vouloir revivre ce que j'ai manqué là à 18-19 ans. J'ai dit, gars, moi je me vois, là, je pense que je vais être honnête sur un quatrième trio. Je suis capable de livrer la marchandise sur un quatrième trio parce que je suis quand même dans une ligue qui est très performante. Là. Ici, là, on joue trois fois par semaine là, à Jonquière, avec tous des anciens, puis beaucoup les plus jeunes. Je joue avec les frères Boulian, là, Steve Boulian, qui ont joué junior. On a une grosse ligue. Là. Fait que moi, j'avais pas fait de démarche pour aller jouer. Moi, j'ai tout à perdre dans ce dossier-là. J'ai absolument rien à gagner. Mais j'espère tout simplement sortir de là avec aucune blessure. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je m'en vais pas là pour me battre, ça, je vous le confirme. S'il y en a qui viennent me voir me battre, ils vont être déçus. Je vais laisser ça aux plus jeunes. Je parce qu'il faut dire qu'à l'époque, Marc, les gens se rappellent pas. Moi écoute, quand on me dit c'est une grosse acquisition, il y a une personne du multiconcessionnaire qui m'a contacté. Moi, j'étais sûr que c'était Philippe Paradis. On sait qu'il y avait eu des discussions avec Philippe, mais Philippe est en Europe actuellement. Philippe, l'ancien choix des Hurricanes de Caroline. Et finalement, ben non, il m'a dit c'est Marc Simard. Puis moi, je ne le connaissais pas du tout. Sauf qu'on m'a dit que dans les années 80, tu étais une figure très populaire de Dolbeau-Mistassini. C'est vrai? À l'époque, oui. J'étais bien connu. Puis on a fait du gros hockey. On a vendu le hockey à Dolbeau. C'était quand même plus tranquille avant que j'arrive. Puis, sauf que, comme je te dis, là. Il y a eu des maudits bons joueurs aussi, là. J'étais pas tout seul, là. Il y a eu des gars comme Martin Bouillan, Steve Tremblay, Saint-Vatin, on peut en nommer, là. Il y a eu des bons joueurs qui ont passé à Dolbeau, qui m'ont donné un bon coup de main, là. J'ai bien paru, grâce à ces gars-là, parce que tout seul, on fait pas une équipe de hockey, c'est 21 joueurs, hein. Ah oui, oui. Mais là, pourquoi Dolbeau-Mistassini? Pourquoi tu reviens ici à Dolbeau-Mistassini et au lieu de Jonquière? Parce que t'aurais pu jouer pour le MJR Express? Ben oui, oui. En fait, j'appartenais à Jonquière parce que moi, j'étais un gars du Saguenay. Ouais. Sauf que, comme je te dis, là, Denis, moi, j'étais pas intéressé à faire un retour. Moi, maintenant, j'ai une carrière, puis, tu sais, c'était jamais j'aurais pensé revenir. Sauf que là, à force, il y a du monde qui ont cru. Fait que là, maintenant, je peux plus revirer. Là, regarde, la transaction s'est faite. Mais moi, c'est sûr que, comme j'ai parlé à Dave, Yann, de faire attention dans ce qu'il donnait pour moi, là, parce que, tu sais... Parce qu'on revient, je te cache pas, là, sur la publicité, là, on se rappelle du monde, on revient avec des photos de toi à l'époque des Castors, donc on vend ça, là, actuellement, là. Donc les gens, tu es en train de me confirmer que les gens qui pensent voir Marc Simard à Dolbeau-Mistassini samedi soir pour se battre, ils vont être déçus. Ah non, ça c'est certain. Ah non, c'est certain, c'était bien clair avec avec Dave Boulian. Ouais. Écoute, peu importe si j'ai tout à perdre dans cette histoire-là. Ben ouais. Si je lâche les gants, je gagne mon combat, j'ai l'air d'un imbécile. Ouais. Si je perds mon combat, j'ai l'air d'un imbécile. 54 ans. Moi, je te dis, là, c'est de mettre mon nom sur le line-up à 54 ans. Je suis en condition physique. J'ai des bonnes mains. Je pense que moi, ma priorité, c'est de gagner cette partie-là. J'aimerais bien battre les Marquis de Jonquière, puis que notre trio, nous autres, qu'on soit en plus, qu'on soit pas en moins. Ça, c'est mes priorités. Le reste, là, c'est de mettre une ambiance dans la chambre avec les gars, puis moi, je veux pas prendre la place à personne, là. Écoute, là, puis quand même que je te dirais, là, que ça me gruge pas d'énergie, ça me demande énormément, parce que c'est stressant, tu comprends? Je veux pas manquer mon coup, je veux pas avoir l'air du gars qui a pas d'affaires là, tu comprends? C'est tout qu'un défi que je me suis mis, puis j'aurais pas eu besoin de ça en temps normal, mais tu sais, je pense à des gars comme Pierre Lavoie, c'est des gars de 50 ans, puis c'est des gars à condition physique, c'est sûr qu'il y a pas de mise en échec, mais regarde, c'est après ça que je me suis accroché un petit peu, puis s'il y en a qui pensent que je suis faillé, que j'ai besoin de ça dans ma vie, ben vous êtes dans le champ, parce que j'ai vraiment pas besoin de ça. Ben moi, que j'ai mis mon nom sur... j'ai donné ma parole, puis je vais respecter ma parole. Ben moi, Marc, là, je vais te dire, je trouvais ça ridicule au départ. Tu sais, j'ai dit, peu importe ce qui va arriver avec toi, là, je me suis dit, regarde, ils vont chercher un gars de 54 ans. C'est le premier commentaire que j'ai eu. J'ai dit, voyons, ça n'a aucun sens, là, là. Puis s'il espère vendre le club, même s'il était populaire dans les années 80, ça fait 35 ans, là, de ça, là. Puis même si on me dit qu'il est en forme, t'es en forme pour un gars de 54 ans, t'es pas en forme pour un gars de 20 ans. Mais comme je te dis, Denis, on va le voir sur la glace. Moi, ouais, une chose est sûre, je vais jouer avec des gars qui ont l'âge de mes enfants. J'ai avisé mon garçon de faire bien attention sur Facebook. Ça fera pas l'affaire de tout le monde, je le sais. Il y a du monde qui m'ont détesté, puis il y a du monde qui m'ont adoré. Sauf que, je vais t'en dire plus après, Denis, on va juger après le match de samedi. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi, là, quand même, que je te dirais, moi, comme je te dis, moi, j'ai parlé à mes enfants, je leur ai demandé d'être très polis sur Facebook, de ne pas embarquer s'il y en a qui ne voudraient pas que ça dégénère. Mais une chose est sûre, je vais tout donner ce que j'ai, c'est sûr et certain, pour notre quatrième mois, parce que je me vois, il ne faut pas oublier que je n'en irai pas jouer sur le premier trio. Non, c'est sûr. Sur le quatrième trio. Ouais. Tu comprends, là? Ouais, ouais. Mais Marc, est-ce que c'est un match ou ça va être pour tout le temps? Ben, ça va être, tu vas jouer au match. Ça va dépendre du match. Ben, écoute, moi, je me suis donné un match. On va commencer samedi, là. Je me suis donné un match. Tu comprends, là? Puis, comme je te dis, Denis, moi, j'ai une carrière, là. J'ai un chalet au Valinois. Moi, c'est toute ma famille chez nous. Le vendredi, on monte au chalet, on s'en va avec les enfants. Là, je te dirais que ça fait comme deux semaines que... Puis il y a eu une préparation aussi, là. Okay. Tu sais, une préparation, c'est quatre mois que je suis au gym, là, pour une partie. Ça fait que te dire, t'as tout mon respect là-dessus. T'as tout mon respect, t'as vraiment tout mon respect pour ça, puis je trouve ça vraiment le fun de voir que tu y vas pour un match, seulement, ça va être match par match, puis tu viens pas ici pour te battre, puis pas fermer la boucle de ce qui s'est passé dans les années 80. Ça, t'as tout mon respect. Mais qu'est-ce que tu vas apporter à l'équipe? Qu'est-ce que ton leadership, qu'est-ce que tu vas apporter? Ben, écoute, moi, là, je le sais pas, parce que je connais pas la Ligue, honnêtement. OK, Denis, t'as pas vu un match? Je connais pas la Ligue. T'as pas vu de match du tout? J'ai pas vu de match, mais je joue dans la Ligue où ce que je joue, là, je me serais pas enligné, là. Tu comprends? Je joue avec des gars qui jouent dans cette Ligue-là, okay, dans nos parties qu'on joue à Jonquière. Moi, okay, je me suis informé, j'ai parlé à Bob Desjardins, j'ai parlé avec Simon Cascon, qui sont très dominants dans cette Ligue-là. J'ai demandé, Simon, parce que je joue avec Simon, moi, là, tu sais, on côte à côte sur la même ligne. Mais Simon, t'as ta place là, je m'inquiète, là. Okay. Je m'inquiète, mais lui, Simon, lui, sa peur, ça fait que je m'en aille, si je veux aller brasser, que la foule s'emblâme. Là, Marc, ça peut arriver que t'aies de la visite. Non, mais moi, je demande pas de traitement de faveur, là. Je veux pas arriver de dire à Bob Desjardins, Bob, j'ai 54 ans, tu peux-tu dire, non, moi, je vais aller dans le coin, je vais aller chercher la rondelle pour essayer de la donner en avant du net. Mais j'arriverai pas dans le coin avec un coup de coude, pour aller frapper, tu comprends, c'est hors de question de ça, là. Moi, j'aimerais qu'après ce match-là, que le monde dise, ouais, ben, en tout cas, pour un gars de 54 ans, Colin, il était honnête dans son match, puis regarde, c'est quelque chose. C'est bien plus dans ce sens-là. Oui. Il y a un gars comme Éric Gravel qui joue avec nous autres, qui a joué quelques parties l'an passé aussi avec avec Jonquière, tu comprends? Le frère de François Gravel qui est décédé et qui va être nous autres aussi. François qui était un gros nom. Oui, l'ancien des Sacs. Le... C'est, tu veux l'ancien des Sacs, c'est ça? Oui, okay, qui joue à Saint-Amboise. Exactement. Oui, OK. Ouais. Fait que c'est tout des groupes, te dire, un petit peu dans la ligue qu'on joue. Fait que c'est dans ce sens-là, là, Denis, là, moi, puis après ça, puis, d'aller rencontrer. Au début, là, j'avais parlé avec Dave Boulian, là, honnêtement, là, peut-être d'aller faire un montant d'argent pour... Martin Boulian, moi, ça m'a fait de quoi, l'accident qui est arrivé à Sainte-Jeanne-d'Arc avec Martin Boulian. Moi, ça a été mon capitaine, Martin, puis j'ai essayé d'aller le voir à l'hôpital de Chicoutimi à quelques occasions. Comment il va, en passant? Je te dirais que le physique, une chance que ce physique-là qui va le sauver. Okay. Sinon, là, Martin, là, ça va être, il va rester des traces un petit peu, là, au niveau de la tête, parce qu'il a mangé tout qu'un coup. Mais je pense qu'une personne ordinaire n'aurait pas survécu à ça, là. C'était une condition physique extraordinaire. Ça fait que c'était ça au début, tu sais, là, que je voulais un petit peu rendre hommage à Martin Boulian, un gars comme ça. Puis après ça, ben, je pense que les anciens juniors vont être là, parce que là, ce que j'ai eu comme texto, puis tout ça, tous les gars m'ont appelé, puis ils vont tous venir me voir après. Ça fait que c'est un petit coup de publicité. S'il y a du monde à Dolbeau, c'est bien tant mieux. L'important, c'est que je te dis, je ne vais pas là pour faire rire de moi, sinon ça serait terrible. Ça fait que c'est pour ça que je te dis, j'ai comme fait une préparation en avant de ça, là, qui était très difficile, mais en tout cas, on espère du mieux, là. J'espère que ça va bien finir. Ben, j'espère. Le monde va avoir aimé ça. Ben, c'est, en tout cas, moi, je vais être là samedi. Je te connais pas du tout, mais, puis même de ça, au début, j'avais comme un petit peu, je te négatif pas. Je partais avec l'idée négative, je me dis 54 ans, mais juste la manière que tu parles, puis tu y vas pour les bonnes raisons, tu y vas pas pour les raisons que je pensais à aller mettre la bordel là, puis ça vire en cirque. Absolument pas. Je te dirais, pour finir, Denis, je te dirais, là, oui, je me suis battu, je me suis chicané dans le temps. Je peux dire, quand j'allais manger dans un restaurant avec ma femme, puis que je rencontrais un petit monsieur qui me disait « Es-tu encore aussi fou que t'étais? » Je peux te dire une chose, j'aurais laissé mon steak là, je serais parti. C'est pas des affaires qui sont tout le temps plaisantes. Ça fait que c'est hors de question. Parle-moi de ces années-là, Dolbeau Moussassini. Moi, je n'étais pas du tout dans le milieu sportif à l'époque, j'étais trop jeune. Là. Mais il y avait autrement de monde qu'aujourd'hui. Hein. C'était des 8, 9, 1000 personnes par match. Hein? Ouais, mais l'aréna, ben, je te dirais qu'on allait faire le warm-up, puis l'aréna se remplissait, puis il barrait pas. Quand l'aréna était pleine, il barrait pas. Puis moi, ce qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est que moi, je finissais quand même premier marqueur de mon équipe. Tu sais, le monde a oublié ça, là, mais j'étais quand même premier marqueur de mon équipe avec Martin Boulian. Égal dans les points, Martin avait plus de buts que moi, mais Martin avait 7 minutes de punition, j'en avais 400. Ça fait que c'était quand même pas rien, là, tu sais, là. Mais c'était l'époque, puisque j'étais influençable, puis j'ai tout le temps dit aux gars, si c'était à refaire, j'aurais joué un autre hockey que cette époque-là, j'étais jeune. Mais aujourd'hui, c'est ça, je m'en vais pas pour faire ce... Faut vous dire qu'on regrette rien dans la vie, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, ben, j'aimerais avoir une autre image de Marc Simard, qu'aujourd'hui, une carrière, puis une vie professionnelle, puis que je réussis très bien. Okay. Fait que il y avait peut-être un sentiment de gang à l'époque aussi? Ben, écoute, à l'époque, je ne sais pas comment ce que c'est maintenant dans les équipes d'hockey, mais je peux dire que on était les castors de Dolbeau à l'époque, on était une maudite belle gang, tout le monde se tenait. S'il y en a un qui allait un party, tout le monde y allait. C'était vraiment une belle équipe. Puis c'était, qui était l'entraîneur à l'époque? Mon premier entraîneur, je te dirais, Denis, c'était Robert Sauzeville, la personne que j'ai adorée. Okay. Puis que justement, je sais que Robert, à l'époque, était parti de Montréal, mais ça serait vraiment, si Robert Sauzeville serait là, moi, j'aimerais bien lui serrer la main. J'ai des petits messieurs comme M. Tremblay qui s'est toujours occupé, qui a tellement pris soin de moi. Il m'aiguisait mes patins. Écoute, ça a été des Jack LeMann. C'est le père à Luc Tremblay, ce que tu parles, c'est ça? Exactement, okay. M. Tremblay. Écoute, quand j'ai été honoré, là, 4-5 ans, là, avec Steve puis Martin Boulian, justement, j'ai rencontré ces petits messieurs-là. Monsieur Rémi Gagnon là, de chez Labatte, ils ont sorti du bois pour venir me serrer la main. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment vu que ces messieurs-là, ils ont pris soin de moi. Puis j'en parle à mes enfants aujourd'hui. Puis j'ai été choyé. Je te dirais, là, j'ai vraiment été choyé à Dolbeau. Ok. Pourquoi tu joues pour les Castors? Tu viens du Saguenay. Pourquoi tu joues pour les Castors à l'époque? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ben, moi, j'ai joué mon midget 3A à l'époque à Trois-Rivières parce qu'il n'y en avait pas à Jonquière dans mon temps. Ok. Ouais. Après ça, j'ai été repêché par les Remparts de Québec. J'ai joué un an pour les Remparts de Québec. Puis quand je suis revenu des Remparts de Québec, j'ai été le premier choix de la Ligue junior régionale. Puis c'est les Castors de Dolbeau qui avaient le premier choix. OK, ça marchait pas par territoire dans ce temps-là, comme aujourd'hui, là. Non, non, non. Non, c'est ça, c'est ça. Fait qu'à l'époque, c'était la première... c'est les Castors qui avaient le premier choix. Fait que j'avais été repêché par les Castors. OK, puis t'as joué combien de temps? 3 ans pour les Castors? J'ai joué 4 ans avec les Castors. 4 ans, OK, OK. Allez. Ouais. Fait que non, c'est. Puis Yvon Mascotte, as-tu déjà été ton entraîneur? Oui, Yvon était dans les dernières années. Yvon Mascotte était mon entraîneur dans les dernières années. J'ai eu Pierre Lavigne aussi, qui a coaché les Aiglons d'Alva, qui est venu coacher dans mes dans nos entraîneurs. Puis c'est ça, là. Tu sais, moi, ma carrière avait comme pris fin là, sur pas sur une bonne note. J'avais été suspendu parce que j'avais fait une tentative de blessure sur un joueur. Mais ça encore là, tu sais, c'est vraiment moi qui avait fait une mauvaise décision. C'est pas de la faute à personne d'autre. Fait que les Castors avaient décidé de me suspendre indéfiniment, puis j'avais pas participé aux séries. Okay. Ça fait que puis ça après, avait été la fin de... Puis après, oui. Les 4 ans, t'as-tu fait quelque chose? T'avais, après les 4 ans des Castors, t'as joué pour quelle équipe? Dans quelle ligue? Ah, ben là, après ça, je suis parti travailler okay. à Montréal. Je suis allé jouer un petit peu... avec les Blues de Sorel, j'ai joué avec les Loups de la Tuque dans le semi-pro. Ah, OK. Puis, fait que là, je me suis remonté dans ces deux équipes-là, le semi-pro. OK, OK. Puis après ça, quand Jonker sont arrivés dans le décor, là, à l'époque, je ne me rappelle plus des noms, ils m'avaient demandé, mais là, j'étais rendu à 30 ans, là, j'avais dit non. Fait qu'imagine, à 30 ans, j'avais dit non, puis là, je dis oui à 55, 54 ans. Ben, c'est clair. Mais non, j'ai bien hâte de voir ça, puis écoute, le match va être samedi soir à compter de 20h au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Donc, 8$ oui. le prix d'entrée. Les gens qui veulent voir Marc Simard, peut-être pour son dernier match, on suppose, hein, on va y aller match par match dans son cas. Donc, on invite la population à venir. En terminant, la Ligue junior régionale, c'était gros dans le temps. C'était fort comme canier. J'ai pas compris, excuse de la Ligue junior régionale, c'était fort comme canier actuellement? Oui, absolument. C'était un bon calibre. C'était le plus gros calibre à l'époque qu'il y avait. Après ça, t'avais, je pense que c'était universitaire, là, t'avais les Inuits, là. Mais t'avais des bons joueurs, là. On a eu des bons joueurs. Écoute, on a eu des bons gardiens de but. On avait Serge Saint-Pierre à défense, qui était un des meilleurs défenseurs de la ligue, là. Tu sais, on a eu des bons joueurs à Dolbeau, là. OK, OK. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances. Une belle aventure. Puis j'aimerais ça t'en reparler la semaine prochaine. Ben absolument, il n'y a aucun problème, Denis. Okay. Puis, pour savoir comment tu as trouvé ton expérience. Exactement, en espérant que ça finisse bien et qu'on n'ait pas de blessures. Juste pour l'information également, les multiconsignaires invitent la population à amener votre denrée non périssable, Marc, pour le match de samedi. Évidemment, on est durant la période des fêtes, donc c'est une belle initiative également de la part du multiconsignaire. Marc, on s'en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Denis. Bonne soirée. Voilà Marc Simard du multiconsignaire de Boom.